Casablanca. Le monde gronde sous les attentats. Les terroristes s'attaquent à tout l'univers contre des innocents de la terre entière. Et pendant ce temps-là, Mars tourne les pouces. Mars la coule douce. Dieu, t'es où? Dieu, c'est où? Dieu, t'es où? Dieu, c'est où? Dieu, t'es où? Des planchers sur des cartons trouvés, des eaux pestilentielles au cœur du ghetto s'écoulent dans les ruelles, quel bien triste ruisseau. Et pendant ce temps-là, Neptune se tourne et pousse. Neptune se la coule douce. Dieu, t'es où? Dieu, c'est où? Dieu, t'es où? Dieu, c'est où? Dieu, t'es où? Maroc ou d'Iran, revendiquez vos droits, relisez le Coran. Hommes, vous dites quels sont le cœur du péché. Faudrait peut-être bien songer à vous rééduquer. Et pendant ce temps-là, Junon se tourne les pouces. Junon se la coule douce. Dieu, t'es où? Dieu, c'est où? Dieu, t'es où? Dieu, c'est où? Dieu, t'es où? C'est à même le sol que l'on dort ici-bas. Dans bien des rues, le trottoir ressemble à un dortoir. La vie n'est pas si rose et le monde est bien noir. Et pendant ce temps-là, Morphée se tourne et pousse. Morphée se la coule douce. Où sont tous ces dieux qui soi-disant soignent le monde en ces lieux odieux de la misère immonde? Où sont tous ces dieux qui soi-disant soignent le monde en ces lieux odieux de la misère immonde? Si les messagers de Dieu sont Bush, Poutine, Sharon, alors je me fais nonne. Alors je me fais nonne. Dieu, t'es où? Dieu, c'est où? Dieu, t'es où? Dieu, c'est où? Dieu, t'es où? Dieu, c'est où? Dieu, t'es où? Dieu, c'est où? Dieu, t'es où? Dieu, c'est où? Nom de Dieu, qu'est-ce tu fous? Dieu, t'es où? Dieu, c'est où?